fait un truc comme ça une fois sur Ninja. Allez, j'y vais. Ah, ah. Je pars. Hein. Ok. Thank you.